printemps vainqueur. C'était quoi? Alléluia? Je pense qu'on peut chanter aussi fort. Bonsoir. Devine ce qu'on va réincarner ce soir. Est-ce que c'est des murs blindés? La réincarnation, ça passe par les murs, à travers les murs. L'astral traverse pas l'eau, mais les murs. Il n'y en a pas beaucoup pour tout le monde qui est là. Le titre de la conférence ce soir, c'est « Comment préparer sa prochaine réincarnation ». Comme on n'a pas préparé les précédentes, apparemment. Non, c'est sûr. Sûrement. Ah ouais. Il faut toujours qu'on pose une question. Si j'ai préparé cette réincarnation-ci, ou je suis complètement stupide, ou je ne l'ai pas préparé. Ta femme te regarde d'un drôle d'air quand tu dis ça. C'est la même chose pour vous. On n'a pas le corps qu'on veut, on n'a pas les parents qu'on voulait, on n'a pas les enfants qu'on voulait, on n'a pas l'emploi qu'on voulait, on n'a pas la vie qu'on voulait, on n'a rien de ce qu'on voulait. Alors, si on a préparé cette incarnation-ci, ou on n'était pas brillant, ou bien on ne l'a pas préparé. Il y a des individus, évidemment, qui restent absolument convaincus qu'ils ont un libre-arbitre, ce qui fait partie du mensonge cosmique. L'homme, la femme, n'a pas de libre-arbitre, absolument pas. L'humain est totalement manipulé. Il a une conscience qui va tendre à une liberté. Un jour, il aura une conscience libre, mais le libre-arbitre, c'est totalement inimaginable. Enfin, c'est imaginable, mais c'est impossible. Chaque corps impose son espace-temps aux corps qui sont près de lui, ce qui fait que, de toute façon, juste le fait que tu sois assis là, personne ne peut être assis à la même place que toi dans le même temps. Certains vont dire « j'aime à m'asseoir par-dessus ». C'est ça que je dis, vous n'êtes pas à la même place, par-dessus. Bon, alors soit qu'on est tous les deux à la même place dans deux temps différents, soit qu'on est tous les deux dans deux places différentes dans le même temps. On est à deux places différentes dans le même temps. Sinon, ben tu étais là, tu te lèves, je m'assois. Donc, on est tous les deux à la même place dans deux temps différents. Alors, le libre-arbitre ne peut pas exister, le moindrement qu'il y a quelque chose d'autre qui se pointe dans l'univers. Puis comme l'univers est assez multiple, assez complexe, il n'y a pas de libre-arbitre. Parce qu'il n'y a pas de libre-arbitre, l'humain, oui. Si je prépare ma prochaine réincarnation, est-ce qu'on va pouvoir s'asseoir tous les deux à droite ou à gauche? Justement, quand on parle préparer sa prochaine réincarnation, vu que l'humain n'a pas de libre-arbitre, mais que l'humain s'approche d'une liberté de conscience, il y a des possibilités de manipuler ce qui manipule l'humain. Et ça, c'est l'apanage de l'intelligence. Mais au départ, l'intelligence ne peut être acceptable par l'ego humain que si l'intellect est capable d'en comprendre les principes. Et c'est dommage. C'est que si, par exemple, notre ego n'est pas capable de comprendre la complexité de la vie, on ne sera jamais capable de vivre la simplicité de la vie. Alors, quand on parle de manipuler le manipulateur, c'est la même chose. C'est que tout est extrêmement simple, sauf que parce que c'est simple, l'intellect, lui, ne peut pas accepter la simplicité. Alors, on doit tout compliquer, on doit scientifiser, on doit avoir des visions cartésiennes, avoir des visions théologiques des choses, des visions cosmologiques, cosmogoniques, qui compliquent souvent les choses. Et une fois que l'ego est rassasié de complications, eh bien là, maintenant, on peut plus facilement, arriver à des choses qui sont plus simples, qui sont plus claires, qu'on contrôle. Fait qu'on contrôle du point de vue de la conscience, qu'on contrôle pas du point de vue de l'ego. Quand l'être humain se pensait avoir choisi sa réincarnation, ben nécessairement, c'est traditionnellement, c'est ce qu'on enseigne. On enseigne qu'on va dans le monde de la mort, et que là, après un repos, on regarde sur un écran vidéo, c'est amélioré évidemment les concepts. Alors, avant, c'était dans un grand livre de parchemin qu'on tournait pendant des milliers d'années, parce qu'il y a beaucoup de pages. Puis là, c'était écrit en rouge nos conneries, et puis en bleu, ce qu'on avait de bien fait. Puis en petit, c'était écrit des petites choses, c'est pas le temps de lire. Et puis aujourd'hui, bon, ça s'allumait encore, revoit sa vie. Bon, il y a des personnes, à un moment donné, qui ont failli mourir et puis qui ont revu une partie de leur vie ou qui ont revu une grande partie de leur vie très rapidement. Ils sont simplement en train de remonter dans leur canal réincarnationnel, ce qui fait que s'ils ne remontent pas suffisamment rapidement, ils peuvent effectivement avoir l'impression de revoir des traces de ce qu'ils ont fait dans le passé. Ils vont dire « j'ai revu ma vie » ou mettons, par exemple, « j'ai revu ma jeunesse de l'âge de 6 ans à l'âge de 8 ans ». Sauf que tout ce qu'il se rappelle, c'est des parties de ce qu'il a vu. Mais ce n'est pas toute sa jeunesse. Mais l'humain va se contenter du peu qu'il va revoir. Si, par exemple, on vous présente une minute par jour de votre vie des dernières années, ça va faire long à regarder et vous aurez l'impression d'avoir revu toute votre vie. Alors que c'est une minute par jour, même une minute par semaine, encore là, on ne revoit même pas toute sa vie, mais on aurait vraiment l'impression. Alors, l'humain, ce qu'il fait, c'est que tout ce qu'il voit, il le perd, et puis il se digère dans le monde de la mort, et puis à un moment donné, il y a un corps physique quelque part qui va réincarner, qui va attirer vers lui des processus astraux, donc des mémoires expérientielles, des mémoires créées par l'expérience de ceux qui ont vécu avant nous, donc c'est nos ancêtres, et ces mémoires-là, qui viennent d'un peu partout, vont aller s'incorporer dans un corps physique en particulier, un corps physique capable d'exprimer ce qui se réincarne, et ça se réincarnera 24 heures sur 24 tout au long de la vie de l'individu. Alors donc, la réincarnation, ce n'est pas uniquement une question de choisir un corps à la naissance, choisir un plan de vie, et puis après ça, on est pogné dans notre plan de vie toute notre vie. ou encore on se réincarne, et puis là, vu qu'on a choisi notre plan de vie, on perd la mémoire, on oublie ce qu'on a choisi pour être capable de ne pas contourner les épreuves qu'on s'est placées. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que si vos parents ont choisi leur plan de vie à eux, ils ont nécessairement choisi quels enfants ils auraient. Donc, vous, les enfants, vous n'avez pas pu choisir quels parents vous auriez ou quelle vie vous étiez pas faire. Si vos parents avaient déjà un libre arbitre au niveau de leur incarnation, de leur plan de vie, ils avaient déjà décidé ce qu'ils se feraient. Alors, les parents ont dit un jour, je veux avoir une fille qui, vers 14 ans, va se droguer, tu sais, pour que j'apprenne. Bon, puis vous, quand vous vous réincarnez, avez-vous décidé de vous droguer à 14 ans? Les parents l'ont déjà fait. Veux, veux pas, on ne peut pas arriver, on ne peut pas placer dans le contexte planétaire l'idée que l'humain a un libre arbitre et que l'humain choisit sa réincarnation dans le passé tant que l'humain n'a pas de conscience. Ce qu'on doit aussi se rappeler ou ce qu'on doit comprendre, c'est que vivant, on peut bouger des choses. Mort, on ne peut que subir des choses. L'humain n'évolue absolument pas lorsqu'il est mort. L'humain n'évolue pas dans le monde de la mort. L'humain n'évolue pas lorsque l'humain est dehors. L'humain tripe, l'humain prend de l'expérience, l'humain voyage, hein, tripe c'est le terme, l'humain voyage, fait des voyages astraux, l'humain n'évolue pas pendant qu'il dort, l'humain n'évolue pas pendant qu'il est en transe, l'humain n'évolue pas pendant qu'il est mort, et ça n'évolue pas là-dedans. Ça évolue lorsqu'on a une conscience un peu plus réveillée, et on a cette conscience uniquement dans un corps physique. C'est pourquoi il y a beaucoup de phénomènes du monde de la mort qui tentent continuellement de toucher les corps physiques des autres, entrer en contact avec des vivants. Les vivants vont donc dire entrer en contact avec les morts. C'est pourquoi il y a des possessions, c'est pourquoi il y a une panoplie de problèmes, de problématiques entre le monde de la mort et le monde de la vie, parce que ces personnages-là tiennent à, si possible, retrouver des corps physiques. C'est ce qui va faire en sorte aussi qu'à un moment donné, les mémoires se réincarnent. Avec l'astral, a besoin d'un corps physique pour s'exprimer. La conscience aussi. Tu disais la semaine passée qu'au niveau de la conscience, on s'incarne, on ne se réincarne pas, mais on s'incarne pour une première fois. Au niveau de la conscience, oui, on en a parlé une bonne demi-heure. Un bon bout. C'est ça. Dans la réincarnation, dans la préparation de sa prochaine réincarnation, est-ce qu'on parle de la conscience qui va s'incarner, qui va amener avec elle des réincarnations? Oui, ce qu'on doit comprendre simplement, c'est que pour faire un visuel, pour permettre de plus facilement de comprendre l'idée même de la réincarnation, on a vu un peu la semaine dernière que nous, ce que nous étions le ramassé des mémoires expérientielles, les mémoires de l'expérience de nos ancêtres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez le nez de vos ancêtres, vous avez les yeux de vos ancêtres, vous avez les intestins de vos ancêtres, vous aurez peut-être même les pathologies de vos ancêtres, vous avez certains tics nerveux de vos ancêtres, vous avez des traits familiaux. On a tous des caractères familiaux. Alors, ça peut être de notre parent, ça peut être de notre grand-parent, ça peut être de notre arrière-grand-parent. On est descendant de nos ancêtres physiquement. Maintenant, si physiquement on est descendant de nos ancêtres, on doit nécessairement en conclure, on peut l'expérimenter de toute façon, que psychologiquement, on doit être descendant de nos ancêtres. Comme moi je dis que c'est le corps physique qui, selon sa génétique, attire du monde de la mort ce qui va se réincarner, et que ce n'est pas une entité, mais que c'est des millions de mémoires d'entités qui vont venir constituer une nouvelle entité, ce qui fait que l'individu ne se rappelle pas ce qu'il a été, et c'est le corps physique qui l'attire. Nécessairement, en fonction du corps physique qui descend de nos ancêtres qu'on va avoir, on va attirer des mémoires polyvalentes de tous nos ancêtres et d'individus qui peuvent aussi avoir des affinités avec un corps physique comme cela. Alors, on sait aujourd'hui que une personne, par exemple, qui a le goût de jouer, une personne qui est un joueur invétéré, joueur pathologique, qui est toujours en train de gager, on sait que cette personne-là, elle a besoin de certaines formes d'hormones. Et elle se drogue en jouant. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le corps physique détermine l'humeur de notre individu. Si le corps physique détermine l'humeur de l'individu, c'est effectivement ce qui va faire en sorte que votre psychologie va être à l'égalité de votre corps physique. Et votre corps physique descend de vos ancêtres. Le corps physique est altéré de vie en vie, c'est légué aux enfants par la génétique, surtout quand on a des enfants plus âgés, mais c'est légué très, très, très peu, mais c'est légué quand même à nos enfants. Alors, on fait des guerres sans arrêt, on a des accidents, on vit des famines pendant des quelques centaines d'années ou quelques des générations, et tout cela complet crée l'expérience qui va, à un moment donné, engendrer des corps particuliers, hein, des corps physiques particuliers, et des psychologies particulières. Il y a des personnes ici dans la salle qui ont en horreur certaines époques de l'histoire. Ça peut être l'époque de l'Inquisition, hein, une époque particulière où les personnages avaient des grands chapeaux avec leur ceinture là plutôt qu'en bas. Bon, il y avait d'autres, ça sera l'époque du Far West. Il y en a qui vont aimer certaines époques, qui auraient voulu vivre là. Il y a des mémoires de ça. D'autres ont subi des supplices pendant certaines époques. Alors, ils détestent ces époques-là. Certains aimeraient vivre dans tel ou tel pays. Pourquoi? Ben, je suis sûr que j'aimerais ça. Il faut que déjà tu connaisses. L'ego n'aime pas le neuf. L'ego aime ce qu'il connaît. Ça crée des nostalgies. Alors, on a vécu là. Maintenant, ce qu'on doit comprendre aussi, c'est que, bon, dernièrement, la science, plus ça va, plus la science se rend compte que le système hormonal est déterminant de l'humeur. On sait présentement que de plus en plus, c'est maintenant reconnu, que lorsque l'hiver approche, il y a beaucoup de personnes qui sont dépressives. Et on a découvert, il y a quelques années, que c'était une question de lumière. C'est-à-dire que quand l'humain manquait de lumière, il y a quelque chose chez lui qui faisait que progressivement, il s'en allait vers une dépression. Et on sait très bien que quand l'hiver s'éternise au mois de mars, il y a beaucoup de personnes qui ont des problèmes. Il y a des suicides aussi, mais il y a des maladies qui sont psychosomatiques. Et dernièrement, on se rend compte que la lumière perçue par l'œil engendre des sécrétions d'une certaine hormone, entre autres, qui est une hormone de plaisir, une hormone qui est tonifiante. Alors, on manque de lumière, progressivement, il y a une certaine forme d'hormone à l'intérieur du cerveau qui est plus sécrétée, et progressivement, bien, on est dépressif. On manque de vitalité, on manque de volonté, on manque d'énergie, on n'a plus de goût, et puis, bon, c'est manque de lumière. Hein, aux séminaristes, souvent, il y a quelques années, je leur suggérais même d'avoir une pièce chez eux où ils pourraient avoir un peu plus de luminosité. Ça dépend de la lumière, évidemment, parce que ce n'est pas de l'éclairage qu'il faut, c'est de la lumière. L'énergie solaire ou de la lumière? De l'énergie solaire ou de l'énergie qu'on peut créer avec des ampoules, des quartz, par exemple, des choses comme ça. Une lumière qui n'est pas un néon, premièrement, le néon, il n'y a rien de pire, ça éclaire, mais ça n'émet pas de chaleur. Des lumières qui font vivre les plantes. Bon, c'est pour résumer, il y a plusieurs sortes de lumières qui font vivre les plantes. Alors, quand l'être humain est capable d'avoir une pièce comme ça, ça l'aide énormément. Mais pourquoi ça l'aide? Question d'énergie âme, bon, question de ceci, question de cela, et progressivement, on se rapproche de l'ésotérisme traditionnel qui dit que l'énergie vitale est reliée à des chakras, des carrefours d'énergie, qui, eux, sont reliés au système endocrinien. Ben, c'est exactement ça, l'énergie solaire et âme, et puis ça va créer justement une forme d'hormone qui stimule énormément le processus de bonheur chez l'humain. Si nos corps physiques, et on le sait maintenant, nos corps physiques descendent de nos ancêtres, et nécessairement le corps physique est déterminant de l'humeur, donc de ce que l'on va vivre. Si le corps physique est déterminant de ce que l'on va vivre, comment l'on va vivre nos journées, c'est qu'on est mauditement relié à nos ancêtres par notre corps physique. Si notre corps physique descend de nos ancêtres, c'est que nos ancêtres devaient vivre psychologiquement comme on a vécu psychologiquement. C'est sûr que nous sommes un mélange. Par exemple, je peux avoir le nez de mon grand-père, je peux avoir les yeux de ma grand-mère, je peux avoir la bouche de mon arrière-grand-père. Finalement, j'aurai des incidences manipulatrices au niveau de ma psychologie qui sera déterminée par mes 32 millions de personnalités réincarnatives qui ont vécu avant moi jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que veut pas, et quand je dis souvent aux personnes qu'on doit faire une nuance marquée entre ce que vous êtes et ce que vous avez en mémoire de ce que vous êtes, « Ah, moi, je suis une personne comme ça qui est nerveuse, tu sais, puis rien à faire, je suis comme ça. » Ça, c'est vos ancêtres qui étaient comme ça. Et parce qu'à un moment donné, on finit par accepter sans vouloir corriger. On finit par accepter comme étant, on accepte toujours une forme de destinée. Et c'est effectivement une forme de destinée, c'est-à-dire qu'on vous a donné un véhicule qui va exprimer des énergies de telle ou telle façon. Bon, alors nécessairement, on aura une psychologie, « Bah, moi, je suis comme ça, ou je suis né pour un petit pain. » Il y en a qui sont dépressifs tout le temps, il y en a qui sont négatifs, il y en a qui sont éternels positifs, malgré qu'ils se plantent le nez régulièrement. Ça dépend comment ils vont exprimer leur énergie. Bon, ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a chez l'homme, chez la femme et chez l'enfant, il y a un être que j'appelle le mental. C'est-à-dire que le mental, c'est pas l'être global. C'est intéressant. Le mental, qu'est-ce que c'est? Ça, c'est de l'astral. Le mental, c'est la partie la plus basse de ce que l'être humain est, de ce qu'on pourrait appeler l'esprit. L'esprit, dans sa version la plus pure, c'est ce qu'on appellera l'énergie supramentale ou l'énergie christique. Bon, christique, c'est l'ancien terme alchimique qui détermine l'énergie supramentale, l'intelligence active. Alors que l'humain est manipulé et limité par son intelligence passive, qui est finalement sa mémoire, ce qu'il a appris, ainsi que ce qu'on lui aura inculqué, soit par réincarnation, ou soit que ce soit simplement par son éducation. Alors, une personne peut être raciste, ce n'est pas son intelligence qui l'amène à être raciste, c'est son éducation, ou encore les mémoires qu'elle a vécues au fin fond d'elle-même. Bon, il y a des personnes qui continuellement disent qu'entre certains peuples, il y a toujours eu des chicanes, puis il y en aura toujours, ou entre certains types de familles. Comme chez les Écossais pendant longtemps, il y avait le clan des machins chouettes, des hauts cornes, des machins bons, puis il y avait un autre clan là-bas pour pas nommer personne. Et ça se battait, bon, de génération en génération, ça va toujours été comme ça. C'est les mêmes imbéciles qui se réincarnaient, qui continuaient à se battre, ça les alimentait. Et à un moment donné, c'est l'Angleterre qui met fin à ça. Bon, il y a eu des problèmes, les clans se sont associés un peu, tout en se détestant un petit peu, puis etc. Ce qu'on doit comprendre, c'est qu'il y a nous, et je répète encore, la seule façon de déterminer si c'est vous, réellement vous, en tant qu'intelligence, en tant qu'esprit, les mots sont comme gros pour l'humain qui n'est pas encore habitué à toucher ce que c'est. On en parle souvent, c'est de la philosophie. Mais quand vous faites quelque chose ou quand il vous arrive quelque chose, vous vous posez une seule question. Est-ce que c'est vous qui voulez ça? C'est simple, hein? Alors, je m'en vais quelque part et puis il y a une autopatrouille de la police qui arrive en arrière de moi. Immédiatement, je me sens coupable, je regarde mon tachymètre, mon cœur accélère. Et là, posez-vous la question, est-ce que c'est moi qui veux que mon cœur accélère? Non, c'est ce que je veux dire quand je dis que l'être humain est manipulé. Bon, tu te mets à transpirer, est-ce que c'est moi qui veux que mon corps transpire? Dites pas oui, mais c'est normal. Je sais que c'est normal. C'est pas intelligent, mais c'est normal. Mais est-ce que c'est vous qui voulez ça? C'est pas vous qui voulez ça. Vous allez comprendre ce que je veux dire quand je dis que l'humain est bien mal pris dans un corps physique totalement assujetti, subjugué, manipulé. Mais vous êtes là, vous, en tant que conscience, dans un véhicule que vous ne contrôlez pas. Mais au minimum, on peut se dire, ben, il faut commencer peut-être quelque part à contrôler. C'est à ça. Voir comment. C'est probablement une des parties la plus difficile à faire la dissociation entre les deux, d'exprimer qu'on on est de la conscience. Et puis en même temps, quand on dit ça, on est une sorte de complexe de humain, à peu près. Oui. Qui dit, ben, je peux pas être un esprit, ou je peux pas être de l'intelligence pure. Ça fait combien de millions d'années que tu es juste de la mémoire? Ça fait assez de millions. Bon, ben là, la mémoire, elle peut pas comprendre que peut-être qu'on est autre chose que de la mémoire. Ça évolue au niveau du corps physique. C'est sûr qu'il y aura toujours un danger où l'ego, la mémoire, va finir par dire « Écoute, je suis l'esprit. » Ben, répète ça. Mais finalement, c'est plus rien. Alors que l'humain ne doit faire attention pour ne pas répéter. Mais quand je dis la première prise de conscience, c'est quoi? C'est se poser une simple question. Est-ce que c'est moi qui veux ça? Et pas faire de la philosophie de bottine en se disant « Peut-être que je le voulais inconsciemment. » Oui, mais consciemment, toi, c'est toi qui veux ça. Ah ben, je sais pas, peut-être que... Ben là, on va te coucher. J'ai plus rien à faire avec toi. Mais inconsciemment, c'est l'ego, c'est la mémoire. Tout ce que vous ne contrôlez pas, ce n'est pas vous. Mais ça habite chez vous, puis ça vous charrie. Toute l'humanité est charriée comme ça. Bon, ça veut être en contact avec le monde de la mort, par des rituels, par des répétitions incessables, pour nourrir des égrégores particuliers. Ça peut être des égrégores nationaux, il y aura l'hymne national, ça peut être des égrégores religieux, il y aura des chants. Bon, ce sera la même chose. Sauf que l'être humain lui-même, par exemple, vous avez peur. Est-ce que c'est vous qui voulez avoir peur? Non. La peur est peut-être pas vous. C'est peut-être pas vous qui avez peur. Peut-être que quelque chose a peur chez vous. Ça a peur chez vous. Et effectivement, c'est ce qui va arriver. Bon, je suis inquiet. Je suis inquiète. Veux-tu être inquiet? Mais non, mais là, j'ai pas le choix. C'est à cause que... Veux-tu vivre l'inquiétude? On ne parle pas de « Veux-tu que l'autre soit là? » Veux-tu vivre l'inquiétude? Non. Voilà. Là, au moins, on peut commencer à voir clairement qui je suis, dans quoi je vis. Avec quel virus amique, avec quel colocataire je suis pogné. Et à partir de là, on pourra comprendre comment préparer sa prochaine réincarnation, c'est-à-dire que tout ce qui vous charrie, tout ce qui fait qu'on va répondre non à la question « est-ce que c'est moi qui le veux? » Ça, c'est exactement comme si vous aviez un immense coffre, une immense valise, puis vous voyagez avec ça depuis quelques milliers d'années. Alors, on parlait d'aujourd'hui. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez une immense valise, et dans cette valise-là, il y a plein de choses. Et de temps en temps, eh bien, quand vous marchez avec la valise, là, il y a un couteau qui sort, qui vous pique la jambe, puis là, ben là, vous la rentrez en dedans. Puis là, vous avez plein de choses en valise. Vous ne savez pas ce qu'il y a dans la valise. De temps en temps, vous dites « j'ai faim », vous ouvrez la valise, vous fouillez dedans, vous mangez, là, vous êtes malade, vous filez mieux, vous contrôlez rien. La grosse problématique, c'est que dans la valise, il y a énormément de choses qui ne vous serviront pas, qui ne vous servent pas et qui vous asservent. Il y a énormément dans la valise. Vous avez ramassé des mantes religieuses, des sauterelles, des rats. Vous avez ramassé quelques serpents. Vous avez ramassé plein de choses comme ça. Alors, de temps en temps, même régulièrement, vous devez prendre de votre propre nourriture. Puis dans la valise, ça se tire et ça se bat. Ouvrez la valise, puis nourrir ce qui est dedans, fermez la valise. Mais là, vous, pendant ce temps-là, vous crevez de faim. Et c'est là que tu es manipulé. Est-ce que tu veux donner ton énergie à la valise? Ben non, là, j'aimerais. Ben voilà, t'as pas le choix. Subitement, vous êtes en colère. Est-ce que c'est ça que vous vouliez? Non. La valise, elle a besoin d'être nourrie à d'une forme d'énergie, alors elle va vous obliger à l'alimenter. Vous serez en colère, en étant en colère, on l'a vu un peu la semaine dernière, on sécrète des hormones. Ça, c'est une grande partie de ce qui va transformer l'énergie, notre énergie, en énergie astrale, et ça va nourrir la colère dans la valise. Alors, la colère est suffisamment nourrie, la colère ferme sa grande boîte, puis là, subitement, vous revenez à la raison. L'étape de conscientisation qu'on fait dans une vie, c'est de faire le ménage dans sa valise? Non, la conscientisation va être surtout de constater que nous ne sommes pas la valise, mais que nous traînons une maudite valise, un immense sac à dos plein de cochonneries et des mémoires. Dans la valise, il y a votre adresse où vous restez. C'est utile. À un moment donné, vous n'en aurez même pas besoin parce que vous allez savoir instantanément où vous restez. Ça, c'est l'intelligence. Bon. Dans votre valise, il y a des cartes routières. Des cartes, des mémoires, des routes que vous avez déjà parcourues. Il y a dans votre valise les photographies, les noms, etc. Et tous les défauts de ceux que vous aimez bien. Il y a tout ça dans la valise. Alors, ce qui va faire à un moment donné que vous rencontrez quelqu'un qui décide de changer, la personne dit « Là, moi, j'arrête de fumer. » Il faut y aller dans la valise immédiatement, puis ça fait 4 fois qu'il veut arrêter de fumer, puis il fume depuis 25 ans. Bon. Encore! C'est ce qu'on dit tout de suite. Mais on n'est pas capable de reconnaître l'individu tel qu'il est. Il va arrêter de fumer, tant mieux. Ça fait 45 fois, on n'a rien à faire. C'est celle-là qui compte. Hein? Bon, mais on fouille dans la valise. Là, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'à un moment donné, on va effectivement revenir sur le plan planétaire, on va se réincarner. On a vu un peu la semaine dernière comment préparer le corps physique, comment préparer ou comment s'arranger pour que dans la descendance familiale, par exemple, on prenait l'exemple de la famille, mais on a vu un peu que ça peut être la descendance des amis. On a vu comment s'arranger pour que un vecteur matériel, ça peut être une bague, avant c'était des armoiries, mais l'armoirie était trop familiale plutôt qu'individuelle. Disons qu'on aurait l'armoirie personnelle, on parlait d'une bague, on la lègue à quelqu'un à la condition que la bague lui plaise. Si du moment qu'il y a quelqu'un qui va se plaire avec la bague, il peut la conserver, puis lui doit la léguer à quelqu'un qui va aimer la bague. Puis à un moment donné, veut pas, dans les lignées réincarnationnelles, il y aura une personne qui va la trouver cute, mais pas. Puis à un moment donné, il y aura un enfant qui va la trouver mauditement belle, qui va vouloir la voir. Ça, c'est probablement vous qui, maintenant, êtes revenu. De quelle façon? La bague, ce qu'elle fait, elle, c'est qu'elle rappelle des mémoires. Donc, elle va permettre à la majorité de ce que vous avez créé en mémoire placé dans votre valise. La valise, là, elle s'ouvre parce que toutes les morsures volent dans le monde de la mort. Mais là, en ayant placé quelque chose de particulier, un moule dans la matière, bien, à un moment donné, le moule va attirer des morceaux de valise, vos culottes, votre chandail, vos bas, bon, etc. Et ça va recréer une mémoire qui va faire en sorte que l'individu, l'enfant, par exemple, va progressivement vouloir savoir qu'est-ce que le grand-père, la grand-mère, si c'est à deux générations d'intervalle, a fait. Et il va se rappeler, connaître des choses que même les parents ne comprendront pas où il a pris ça, mais que c'est vrai. Et progressivement, il va même être capable de s'associer au grand-père ou à la grand-mère. Il va être capable de dire « c'est moi ». D'une vie à l'autre, la valise devient un sac à surprise. C'est pas ça. Ce qu'il y a dedans, puis tu recommences à zéro. Et c'est pourquoi on a vu un peu la semaine dernière, on a vu dans la purification, on a vu réincarner 24 sur 24. Là, ce qu'il faut qu'on commence par faire pour préparer sa prochaine réincarnation, ça va être d'ouvrir la valise de temps en temps, puis de sortir des choses qui proviennent, qui ne nous servent pas, vider la valise. Bon, pourquoi? Parce que sinon, on est encore extrêmement mélangé. Vous êtes encore chialeux ou chialeuse quand il pleut ou quand il fait froid. On appelle ça encore le mauvais temps. Nos ancêtres ont toujours appelé ça le mauvais temps. Mais il faut les comprendre. Quand il pleuvait, eux, ils étaient mouillés. Nous, on a des imperméables, des automobiles, on a des parapluies, on a des maisons. On le sait deux jours d'avance. Bon, OK, il y a beaucoup de... Bon, on le sait deux jours d'avance. C'est ça, oui. Ben oui, s'il annonce du beau temps, on prépare à avoir le parapluie. Bon. Mais on appelle ça encore le mauvais temps. Alors qu'écologiquement, maintenant, on comprend l'utilité de la pluie, on sait tout ça. Bon. Mais on est investi de façons de parler qui proviennent de notre éducation, qui proviennent du passé. Et on doit progressivement faire le ménage dans la valise, donc commencer à changer des choses. Ça va créer une chose. La valise est beaucoup plus lourde, plus légère à porter, donc beaucoup moins lourde. Ce qui fait que psychologiquement, on va finalement progressivement être beaucoup moins mélangé chez nous par rapport à ce que nous sommes et même par rapport à ce que l'on fait ici. Ça va être moins pénible à traîner aussi. Au niveau de l'ego, effectivement. Donc, on est plus léger. Ce qui fait qu'on se rapproche de la transparence astrale qu'on a déjà vue au début de l'année, qu'on va revoir aussi, on est plus transparent, on va avoir plus facilement la capacité de gérer notre bonheur. On reste au niveau astral manipulable. Mais plus, si vous éliminez, je donne un exemple, vous avez un paquet de fils qui dépasse la valise. Vous promenez avec votre valise, et puis moi j'arrive quelque part en arrière, ben non, par accident, il y a un fil qui, à un moment donné, se connecte à une prise de courant. Puis là, ben, c'est une tronçonneuse électrique qui part dans la valise, puis ça cherche à vous ramasser un bras ou une jambe. C'est ça la manipulation. Mais si la tronçonneuse n'est plus là, ben, ce fil-là ne peut plus se connecter. Alors, une manipulation de moins. Quand il se met à pleuvoir, ah, pas encore de la pluie pour se machioler, c'est ça. C'est simplement qu'il y a un événement, hein, une prise de courant quelque part qui a des trous adaptés à une fiche particulière. Celle de la tronçonneuse, celle du chiolage. Puis de temps en temps, ça ne se connecte pas, puis de temps en temps, ça se connecte. Mais si c'était menté un peu, ça se connecte vite. Puis là, ben, qu'est-ce que vous faites? Ben, vous chiolez. Avant même de s'en rendre compte, on chiole. Si on est suffisamment vivant, donc mentalement conscient et présent, ben là, on découvre immédiatement que, tiens, je suis encore en train de chioler. Mais là, ce qui arrive, c'est que ça peut être un deuxième fil qui vient de se connecter, qui lui chiole sur le chiolage. Ah, chiole, on est encore en train de chioler. On n'a rien réglé. On est toujours mort. On n'est pas mental, on n'est pas vivant. Mais à un moment donné, quand on fait le ménage de la valise, on jette une affaire, on jette une bébelle, jette un ci, jette un ça. Mais là, ce qui va arriver nécessairement, c'est quand vous allez jeter la tronçonneuse, tous les outils en dedans dans la mémoire qui sont habitués à la présence de la tronçonneuse, ils ne voudront pas que vous les retirez. Et en plus, imaginez que vous rentrez chez vous un beau matin, il se met à pleuvoir. Les 25 de la famille sont réunis pour fêter, là, il se met à pleuvoir. Les 24, là, il y en a qui disent « tout le monde se met à chioler ». Puis vous, vous ne chiolez pas. Ils vont tous penser que vous êtes malade parce que vous n'avez plus la tronçonneuse familiale. Vous l'avez jetée. Là, ils vont dire, là, vous, vous allez... Mais quoi, c'est pas grave, même s'il pleut. Ah oui, oh non, notre journée est à l'eau. Ben non, elle est pas à l'eau, là, hein, qu'à... Tu dis, t'es une sac, là, maintenant, là? Tu fais du positivé, c'est qui se passe? Ça t'a pris un joint encore, là? Chose certaine, c'est que le collectif familial, ceux qui réincarnent les mêmes mémoires que toi, il y a des collectifs de groupes, des collectifs nationaux, ben ceux-là vont vouloir s'arranger pour que tu sois normal, que tu deviennes normal. Ils vont te fournir une tronçonneuse. Ben ils vont s'arranger pour t'en fournir une tronçonneuse. Progressivement, c'est ce qu'il va faire à un moment donné, que quand une personne se conscientise un peu, ben à un moment donné, il y a des individus avec lesquels elle ne peut plus rester, elle ne peut plus vivre. On est toujours en train de la manipuler. Et nécessairement, il y aura des manipulations qui ont été prévues depuis longtemps, des manipulations qui sont assez virulentes, dans le sens, par exemple, tu veux arrêter de fumer, puis tu es dans une famille où tout le monde fume. Là, on va poser la question, moi, t'es-tu d'un rose-croix, là? Ils ne fument pas eux autres là-dedans, t'sais. Ça, c'est une insulte. On va essayer de te trouver malade ou encore de te prouver que tu t'es fait avoir. Alors, ça peut être parce que tu deviens végétarien, là, tu vas devenir maigre, etc., ou non, tu donnes secte, ou dans ceci, ou dans cela, et on va essayer continuellement de te culpabiliser dans ce genre de choses-là. Alors que si la famille au complet change, puis que tu ne changes pas, ils vont faire la même chose, mais dans l'autre sens. Puis quand on ramasse comme ça des éléments dans sa valise, dans une vie antérieure, on a ramassé d'autres éléments, mais on peut en avoir gardé. Parce que tu disais tantôt, on ramasse des mémoires, on se rappelle de certains événements ou de certains pays ou tout ça. Ça veut dire qu'elle ne se vide pas complètement quand on décède. Ou est-ce que oui, quand on décède, elle se vide complètement, mais nécessairement, normalement, dans tes lignées familiales, toi, tu vas léguer une partie de ton corps physique à tes enfants, et qu'eux vont léguer une partie de ton corps physique à leurs enfants. Ce qui fait que quand tu te réincarnes dans ta lignée familiale, une grande partie de toi déjà qui est là. Mais tu te réincarnes avec les valises de tes enfants, avec les valises de tes grands-parents, de tes parents, puis de toutes tes lignées familiales. Mais comme la réincarnation se fait 24 heures sur 24, si tu fais du ménage dedans, dans ta valise, qu'est-ce qui se passe? Elle continue de se remplir quand même? Oui. Maintenant, ce qui arrive, c'est qu'il y a un dessin que j'avais vu quand j'étais extrêmement jeune au cégep. Tout le monde, le dessin était devant tout le monde, là, puis tout le monde trouvait que le dessin était beau. Moi, je trouvais que le dessin était pas mal intelligent. C'était un enfant qui naissait, il avait un petit sac à dos vide sur le dos. Et puis après ça, il grandissait, était rendu à l'âge de 7 ans, il avait un sac à dos un peu plus gros. Puis après ça, était rendu adolescent, un sac à dos plus gros. Il était rendu à l'âge 20-25 ans, il avait son gros bâton, un gros sac à dos plein, puis tout fier, lui, s'en allait. À 50 ans, ben là, il commençait à être, le sac à dos était immense, puis là, il était rendu vieux, il s'accotait sur son bâton. Puis un peu plus loin, ben on avait simplement le sac à dos qui était à terre, puis le gars qui était carrément en dessous, qu'une croix par-dessus. Le sac était encore plus gros. Et c'est ça les mémoires qu'on ramasse sans arrêt. On ramasse. Le grenier est plein. Oui, mais au cas qu'un jour que... Toi, puis nous, avant de l'avoir, on vivait bien, hein, mais si on l'a plus un jour, on s'arrangera bien aussi. Mais on en a, c'est tout de l'énergie. Qu'est-ce qui est le plus utile de faire en premier? De faire le ménage dans la valise ou d'arrêter les réincarnations? Bon, alors... D'arrêter de la remplir. On peut faire un résumé, évidemment, de quelques des dernières conférences pour pouvoir poursuivre. Mais la première chose, évidemment, ce serait de faire la nuance entre ce que je suis mémoriellement, donc ce que je ne suis pas, hein, la mémoire de ma présence, et ce que je suis dans l'instantané, dans la réalité, qui peut être visualisé au niveau du mental au départ. Au niveau de l'intelligence prémentale, encore, c'est beaucoup plus clair, c'est beaucoup mieux. Et puis finalement, on peut aller chercher un peu plus haut plus tard. Mais la première chose, c'est de bien faire la nuance entre ce que je vis, ce que je chiale, ce que je crie, ce que je veux, et ce que je suis. C'est tout à fait différent. Il y a des personnes qui me disent souvent, ben oui, mais crime, si je bois de l'eau, c'est parce que chez moi, j'ai décidé que je devais boire de l'eau. Donc, j'ai du libre-arbitre. Moi, je pose la question, si tu as du libre-arbitre, qu'est-ce que t'attends pour t'organiser pour t'être plus jamais soif? Ouais, mais... On n'a pas. La personne doit faire la nuance entre toutes les entre finalement la vision astrale, la vision émotive, la vision psychologique, bref, le mensonge cosmique. On peut dire le mensonge qu'elle se compte, mais elle ne se le compte pas. Le mensonge dans lequel elle vit. C'est quand on réussit, c'est grâce à moi, puis quand on manque notre coup, c'est grâce à la vie, hein? Bon. La personne doit faire la nuance. Première chose à faire. Pourquoi? Parce que vous, en tant qu'intelligence, en tant que lucidité, c'est vous qui avez la grande possibilité de vous réincarner en vous rappelant ce que vous êtes dans la prochaine vie. Il faut faire attention. C'est que là, quelques années, disons quelques années, pas tellement longtemps, parlons peut-être de 200, 300, 400 ans, l'être humain n'avait pas la capacité de lucidité. C'est-à-dire que l'être humain n'avait même pas de libre conscience. Il n'y a pas de liberté dans sa conscience. L'humain n'avait pas de conscience. L'humain avait une conscience astralisée collective, c'est-à-dire que la conscience collective lui disait « fais ça, c'est bon », la conscience collective lui disait « fais pas ça, c'est pas bon ». Sa conscience à l'humain, c'est une conscience qui était très, très archétypale, une conscience qui était très théologique ou morale ou sociale, puis une conscience qui était réincarnationnelle et une conscience pédagogique, on l'avait instruit. L'individu ne savait pas de par lui-même. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont capables de faire juste la nuance entre, sont capables de se poser la question, est-ce que c'est moi qui veux ça? Mais si c'est pas toi qui veux ça, il y a automatiquement une fièvre énergétique qui va apparaître. Ça me fait une petite panique au niveau de l'ego. Mais si c'est pas moi, c'est bon, voilà. Là, on vient maintenant de se détacher de la vision et de l'évolution traditionnelle planétaire de l'animal humain, finalement, celui qui vit avec une conscience grégaire, une conscience de troupeau, collectif. Et là, on ne sait plus quoi faire. C'est sûr qu'on ne sait pas quoi faire. Mais là, on vient de naître, là. Hein? Le cordon ombilical est coupé. Eh bien là, je vais faire comment prendre mon oxygène? Tu vas respirer. C'est quoi respirer? Fais 9 mois dans le ventre de ta mère, tu ne respires pas. C'est quoi respirer? Tu vas respirer, tu vas excréter, tu vas... C'est tout ça, c'est quoi? Tu vas voir. Évidemment, il y a toujours un bon médecin divin qui va t'approcher un peu de t'ébroyer, là. Quand tu commences à te conscientiser, c'est souffrant. Mais là, ce qu'on doit comprendre, c'est que présentement, il y a beaucoup d'êtres humains qui ont suffisamment de volupté dans leur conscience, de liberté et d'énergie, même si ce n'est pas grandiose. C'est facilement grandiosisable, c'est-à-dire que l'évolution est exponentielle, ce qui fait que plus on est conscient, plus c'est rapide. Hein? On n'a pas besoin de se dire « Ah, mais j'en ai encore pour... j'ai 300 millions de kilomètres à parcourir. » Ouais, la vitesse de la lumière, c'est pas beaucoup, ce sera pas long. Ça dépend à quelle vitesse on se déplace. On n'a pas la distance. Alors, l'être humain qui commence à avoir un peu plus de conscience, lui, il a une liberté. Et ayant une liberté, cela veut dire qu'il a nécessairement commencé la création d'un double éthérique. C'est un petit double éthérique, c'est une entité moroncielle, ce n'est vraiment pas gros. Sauf que ce qu'on doit comprendre, c'est que l'individu qui, à un moment donné, perd son corps physique, la partie de lucidité, la partie de conscience lucide chez chacun des individus ne gagne pas le monde de la mort. Le monde de la mort n'en veut pas, ce n'est pas de la même énergie, ça ne peut plus aller là. Exactement comme si vous avez des minéraux, ben, les minéraux que la plante absorbe, elle en a besoin. Mais dans la viande, il y a aussi des minéraux, mais ça, la plante ne peut pas les absorber, il n'y a rien à faire, c'est plus du même niveau. Hein, c'est pas dans le même règne. Règne animal, règne végétal, règne minéral. Ça part du minéral au végétal, du végétal à l'animal, de l'animal au végétal, ça passe plus. La conscience et la mémoire, ça se mélange pas énergétiquement. Non. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain, nécessairement, l'humain qui a une conscience, et quand on parle de conscience, ça ne veut pas dire de tout comprendre, ça ne veut pas dire de répondre à toutes les questions. C'est pas ça que ça veut dire, la conscience. La conscience, ça veut simplement dire être capable de discerner chez soi ce que nous sommes de ce que nous ne sommes pas. On peut même faire abstraction du bien et du mal. Pourquoi? Parce que finalement, faire le bien, faire le mal, l'humain ne sait même pas ce que c'est. L'humain, il le sait après, il ne le sait jamais avant. Alors, s'il y a une guerre, ben tuer les ennemis, c'est bien. Hein? Puis, s'il n'y a pas de guerre, ben tuer les mêmes personnes, c'est mal. Mais la guerre elle-même est mal. Donc, en partant, faire du bien dans le mal, en faisant ce que le mal veut que tu fasses, il n'y a pas. Alors, lorsque on parle de conscientisation, on parle de lucidité au niveau de la conscience, l'évolution est marquée uniquement si l'individu a la capacité de reconnaître ce qu'il est par rapport à ce qu'il n'est pas, par rapport à ce que la tradition veut qu'il soit, par rapport à ce que l'éducation veut qu'il soit, par rapport à ce que la collectivité veut qu'il soit. Tout ça, c'est pour vous, ça. Si vous dites « oui, mais c'est intelligent, c'est vous », mais pas parce que c'est collectif, parce que vous avez décidé que c'était brillant. Mais vous n'avez pas décidé que c'était brillant parce que tout le monde a pensé que c'était brillant. Bon, on doit décider, on doit se rendre compte, on le sait. C'est comme quand je parle souvent juste de l'alimentation. Tout le monde sait qu'est-ce qu'il doit manger. Pas besoin de lire de livres. On lit des livres parce qu'on vit dans la médiocratie, parce qu'on ne se fait pas confiance, parce que nos mémoires réincarnationnelles nous assujettissent à dire « Quittez, t'es pour savoir ce qu'il faut que tu manges. Va voir le prêtre, va voir M. le curé, savoir s'il faut que tu fasses des enfants ou pas. Va voir le sorcier du village, va voir le chef, va voir machin chouette. Sinon, quittez. Va voir le voyant, va voir l'oracle. » Prends un général de l'armée romaine qui fait une guerre, qui va attaquer puis qui va dépecer des moutons, savoir s'il va gagner ou pas. Il y a un qui a organisé ses stratégies. Mais le pire, c'est qu'il va aller faire tirer les entrailles, puis après ça, il va organiser des stratégies. Bien, les entrailles, c'est une destinée. Ça veut dire que si c'est écrit qu'il va gagner, même s'il va tout seul, il va gagner, bien évident. Si c'est écrit qu'il va perdre, même s'ils vont 200 000 soldats, ils vont perdre quand même. Ou bien il y a un paquet de faussetés, un paquet de mensonges dans le lot. Puis on se rend compte aujourd'hui que souvent on se fait tirer aux cartes ou encore les soldats romains allaient ouvrir les entrailles. Puis le pire, mais là-bas, on devrait peut-être faire ça. À l'époque, ce que le soldat faisait, c'est qu'il allait, bon, le voyant, l'oracle lui disait, tu as gagné. Il allait, il perdait. Quand il revenait, on tuait l'oracle. Ah ouais? Voilà, c'est ça que les cartomanciens. Mais... il n'y aura pas grand monde au salon de l'ésotérisme cette année. Ah, il y en aurait encore en masse. Oui. Il y en aura encore suffisamment. Alors, ce qu'on a à comprendre, donc, c'est que notre lucidité, ce qui nous permet de discerner ce que nous sommes, pas de ce que nous voulons être. Parce que ce que nous voulons être, c'est encore nos égos. Toutes nos mémoires réincarnationnelles qui se rappellent des choses puis qui projettent ça dans une forme de vision future. Ce que nous sommes uniquement capables de décoder ce que nous ne sommes pas. Et pour l'instant, la conscience humaine, elle est capable de ça. pas de vouloir approcher dans l'avenir ce qui va arriver, ce qui va ci, ce qui va ça. Quand vous savez, l'avenir, c'est astral. Et c'est pour ça que les voyants, les médiums, etc., ça peut fouiller dans le monde de la mort, dans l'astral, ou encore dans les annales akashiques, dans l'akasha planétaire, pour aller lire. Mais ça, c'est de la voyance, ça a une forme d'utilité, mais c'est pas de la conscience, c'est pas de l'évolution. Bon. Et ce qui va arriver, c'est que chaque fois que l'intelligence interfère, se mêle, chaque fois que l'énergie christique se mêle d'une structure mémorielle, ça défait toutes les prédictions possibles. L'astral ne peut pas prévoir les interactions de l'intelligence, ni les résultats des interactions de l'intelligence. Ce qui fait que quand l'être humain commence à se conscientiser, même une carte du ciel ne tient plus. Tout ce qu'on vous aura prophétisé devient très, très, très faussable, ce n'est plus vrai. Alors, l'individu, ce qu'il doit faire, ce n'est donc pas essayer de chercher ce qui va lui arriver dans l'avenir. Je connais des choses, moi, qui vont arriver quasiment sûr pour sûr à l'humain, mais on parle encore de l'humain planétaire, donc de l'humain astralisé. C'est facile de savoir ce qui va leur arriver. Jusqu'au moment même où l'événement se passe, si l'individu change à la seconde avant, il se passera pas. On n'a rien dit. Effectivement, tout est changé. Alors, ce qu'on doit comprendre, donc, c'est que l'être humain a de la conscience, et s'il a de la conscience, il peut préparer, il peut jouer et manipuler la mécanique. C'est-à-dire qu'il va se dire, dans ma valise, je vais placer telle chose parce qu'à un moment donné, quand je passerai dans un événement particulier, eh bien, le fil électrique qui dépasse va se connecter là, ça va me donner le résultat que je veux. Oui, mais si ça donne le résultat que tu veux, c'est que tu vas vivre le résultat par manipulation, tu n'auras pas le choix. C'est vrai. Donc, on est manipulé encore, mais on peut manipuler le manipulateur. C'est exactement comme si, par exemple, vous dites, vous prenez des antibiotiques. Ben, les champignons vont manipuler votre corps physique, ils vont peut-être le guérir. C'est vrai. C'est pas votre volonté qui va guérir le corps, c'est les petits maudits champignons. Sauf que je peux donner à mon corps des placebos, des médicaments qui ne serviront à rien. Je peux donner à mon corps des choses qui vont l'empirer. Et je peux donner à mon corps des choses qui vont l'améliorer. Je vais donner en fonction de l'information mémorielle que j'ai tant que je ne suis pas centré dans mon intelligence. Mais encore là, si j'ai accès à de l'information qui fait en sorte de me manipuler à prendre de bons médicaments, qui va manipuler mon corps à aller vers où je veux aller, vers la guérison, ben, on reste dans la manipulation, mais je vais mauditement mieux. Alors, l'humain ne doit pas penser que du jour au lendemain, il y aura un truc pour avoir du libre-arbitre. Il n'y en aura jamais de libre-arbitre. Finalement, en préparant ses réincarnations, puis en s'arrangeant à faire le ménage dans sa valise, tu t'assures déjà, si tu as commencé à manipuler le manipulateur, que dans ta prochaine vie, tu auras le même manipulateur qui a déjà été dompté ou classé. Même, exactement. C'est comme si la valise, là, c'est quelque chose qui se branche à de l'information extérieure, du monde astral, du monde spirituel, du monde matériel, du monde vital. Et c'est un écran de télévision, ça vous amène de l'information. Oui, mais dépendamment où ça va se brancher, puis comment on va censurer puis colorer l'information avant que vous la voyez, ça va déterminer en tabarouette la façon dont vous allez vivre. On voit dans le séminaire, par exemple, que le thalamus est un centre qui est totalement assujetti à l'âme, donc à l'ego, et c'est par le thalamus que l'âme vient colorer continuellement la vision. Toutes les sens physiques passent par le thalamus avant d'aller au cortex, et c'est là que le mental se place. Le début d'intelligence commence dans le cortex, centré au niveau de la glande pinéale, qui est à peu près plus opérationnelle chez l'adulte, mais qui se réveille à un moment donné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque vous voyez qu'il pleut dehors, bien, l'œil amène l'information au thalamus et au cortex. Qu'est-ce que vous devriez voir qui pleut? Qu'est-ce que vous voyez qui pleut encore? Il y a une place où ça a été coloré. Donc, il pleut beaucoup. Oui, une place a été colorée. Alors, on va voir une fleur, on va voir n'importe... Par exemple, vous allez voir quelqu'un qui saigne. Qu'est-ce que vous devriez savoir au niveau du cortex? C'est qu'il saigne. Donc, on devrait peut-être arrêter l'hémorragie. Pour plusieurs individus, ils vont voir qui saigne. Bon, bien différent. Il y en a qui perdent connaissance, il y a des chocs psychogéniques, il y en a qui fuient, il y en a qui s'en délectent. Bon, avant, c'était avec la... Bon, mais aujourd'hui, c'est juste avec les yeux. Mais qu'est-ce qui se passe? Ben, il se passe simplement que entre ce que nous voyons et ce que nous savons, il y a quelque chose qui vient tout colorer. La valise, c'est l'outil, justement. C'est la façon de se connecter. Alors, c'est sûr que ce qu'on se connecte toujours à des postes, par exemple, de radio ou de télévision, qui ne font que de la désinformation, qui font de la propagande. Hein? Continuez à nous écouter. Écoutez-nous. Vous saurez tout. Vous saurez quoi? Vous allez savoir. Écoutez-nous, écoutez-nous, écoutez-nous. Alors, à un moment donné, on se branche pas sur des choses... d'autres postes, d'autres stations qui pourraient nous informer d'une façon plus réelle, moins mensongère. Mais de temps en temps, on va vous dire, voyez là, la télévision, il y a un poste qui vous dit « La télévision, c'est une télévision. » Bien, toutes les autres chaînes, ils sont contre immédiatement. Pourquoi? Parce que quand l'astral joue dans le mensonge, l'humain est totalement dans l'illusion cosmique. Ce qui fait que lorsqu'on s'approche le moindrement d'un peu de réalité, tous nos processus ancestraux commencent à se liguer contre le neuf, contre la réalité. Et quand on parle de réincarnation, ça crée des problématiques. Pourquoi? Parce que si je dis que l'être humain peut choisir sa réincarnation, et c'est vrai, il peut choisir premièrement quel type de personnage il sera, mais pas qu'une fois qu'il est mort. Maintenant. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est qu'on peut choisir comment on va se réincarner dans 10 ans sans être mort entre-temps. Comment tu fais ça? Ben, c'est facile. Je t'ai expliqué la semaine dernière. Tu vas réincarner dans 10 ans sans mourir? Comment? Sans mourir? Oui. Premièrement, il y a plusieurs choses. On a vu au début de l'année qu'il y avait que l'être humain, que le plateau sur lequel tournait l'humanité était en train d'être ralenti par l'intervention d'une force supramentale qui faisait tourner le plateau dans le sens opposé. Donc, la force centrifuge qui fait que l'humain est plaqué, l'humain n'a pas de débarbit, s'estompe progressivement. Ceux qui ont de la conscience vont pouvoir changer de plan de vie. Et quand ça va recommencer à tourner dans l'autre sens, dirigé par l'intelligence, ceux qui auront choisi un plan de vie régi par l'intelligence seront bien placés en Rolls-Royce, disons, alors que tous les autres se retrouveront plus ou moins à pied. Bon. Alors, déjà là, il y aura d'ici jusqu'à l'an 92, 93, à moins qu'il y ait une extension, là. C'est des élections après, c'est des extensions, c'est jamais. Le temps est flou. Mais autour de 92, 93, ça va être pas mal finalisé. Il reste donc quelques années. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que l'être humain va pouvoir changer. À partir d'aujourd'hui, on peut se dire, bon, j'ai choisi ma prochaine réincarnation, ben, est-ce que vous voulez être dans un contexte où vous allez souffrir une grande partie de votre vie de manque d'alimentation? Non. Est-ce qu'on veut être dans un contexte où il y aura uniquement la guerre? Non. Est-ce qu'on veut être dans un contexte où les gens sont dépressifs ou où encore les gens sont positifs, où les gens vivront ces pathologies psychologiques? Non. Bon, voulez-vous être dans un contexte où il y aura de la simplicité, de la transparence, de l'honnêteté puis de la réalité? Peut dire oui. Bon, voulez-vous être dans un contexte où on va vous laisser vous développer en fonction de ce que vous êtes plutôt que de tout faire pour que vous rentriez dans les rangs de la normalité? On va dire oui. Bon, on détermine un contexte. Est-ce qu'on élimine les contextes ou on détermine un contexte? On va déterminer les contextes, c'est la meilleure chose. Mais par contre, ce qu'on doit faire, c'est que pour préparer sa prochaine réincarnation, on doit commencer à réincarner immédiatement cela. On doit rentrer dans le chemin. Autrement dit, ce que l'humain doit faire, c'est que l'humain doit faire ce que moi j'appelle le choix de l'homme nouveau ou de la femme nouvelle. Bon. Ça veut dire que, quand on parle d'homme nouveau, ça veut dire que c'est un homme qui est désassujetti des réincarnations antérieures et qui va se structurer en fonction de l'intelligence et vers quelque chose de neuf et non pas vers quelque chose de s'entourouter comme ça. La femme nouvelle, c'est la même chose. L'enfant nouveau, c'est la même chose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce n'est pas nécessaire de prétendre que ce sera dans ma prochaine vie. C'est pas nécessaire de faire des promesses politiques comme ça ou des promesses divines dans le sens que tu ne l'auras jamais, mais plus tard. On peut penser immédiatement que c'est ce que nous voulons vivre. Et ce que je dis là est beaucoup plus important qu'il peut paraître, surtout pour les 20 prochaines années qui viennent. Penser à pas penser, c'est qu'on commence par le structurer, on y va une brique à la fois, donc on devrait simplement dire, moi je veux, j'aimerais me réincarner dans un monde où j'aurai un corps physique qui sera capable de réagir positivement, de réagir allègrement. Et donc un corps physique qui va sécréter des hormones de plaisir lorsqu'il va neiger, lorsqu'il va pleuvoir, puis lorsqu'il va faire soleil. J'aimerais avoir un corps physique comme ça. Alors, automatiquement, je serais toujours content de la température. Bon. Sauf que ce qu'on doit faire maintenant, c'est qu'on doit s'arranger pour obliger une cellularisation, donc une mutation cellulaire de notre corps physique actuellement, c'est-à-dire que l'être humain doit travailler immédiatement pour vivre maintenant dans un corps physique qui soit capable d'exprimer ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre corps physique ne peut pas encore réagir immédiatement. Quand il pleut, là, vous allez sécréter des hormones qui vous font chialer, qui vous perdent de l'énergie. Pas tout le monde. Il y en a, ce sera la neige, il y en a, ce sera le soleil. Ah, il fait encore chaud. Il y en a qui vont, ils seront bien le matin, tout va bien. Puis ils regardent la température, puis ils annoncent 37 aujourd'hui. Hein? Maudit, ça n'a pas d'allure, on va encore. Ben, ils sont bien, là. On va encore avoir chaud, puis là, déjà, c'est fait partie. Ça, c'est quand je parle de coloration, c'est ça qui est important. Alors, le corps physique est un grand, grand, grand manipulateur là-dedans, mais là, on doit faire le ménage dans la valise. Ça veut dire qu'à partir de maintenant, je ne veux déjà plus que dans ma valise psychologique viennent traîner des parties mémorielles qui me font chialer le moindre moment que j'ai de l'information. Donc, si tu réussis à couper dans cette vie ici, le chialage, le stress, la haine, tout... On met un phénomène à la fois. On prend n'importe lequel. À la fois, comme ça. Et pas le plus important, n'importe lequel. On devrait prendre le plus facile pour commencer. Mais si tu réussis à faire ça, aujourd'hui, on n'a pas besoin de penser ou de parler de la prochaine réincarnation, sauf si, quand on retourne dans le monde de la mort, pas on retourne, mais la valise retourne, si elle se défend encore. Comment on fait pour s'assurer de la barrer avant de... Bon, OK. Premièrement, pourquoi commencer juste avant par le point le plus facile à changer? Parce que souvent, l'humain, il va évoluer rapidement. C'est son ego. L'ego, il va avoir tout de suite le standing, une forme de volupté où ce qu'il se dit, je suis bon. C'est que placer la huitième brique, c'est bien compliqué tant qu'on n'a pas mis la première, la deuxième, la troisième, puis les autres jusqu'à la septième. Ce qui fait qu'on doit commencer par ce qui est plus facile. Plus facile veut dire aussi important. Mais c'est sûr que si spirituellement, au niveau de la psychologie de la conscience collective, nous, on pense qu'évoluer, c'est voir la brique en haut là-bas, là, les autres, on s'en fout. Puis là, on veut mettre la brique en haut là-bas, puis on va travailler longtemps. On la met en haut, elle tombe à terre, elle se casse, on la met en haut, et il faut qu'on mette les briques qui sont là. Les plus faciles, c'est pas... On n'a pas besoin de chercher, savoir si c'est ça qui est le plus évolué. La plus facile est nécessairement la brique à mettre. On veut changer son alimentation, on commence par ce qui est le plus facile. Ben, tu commences par ça. C'est nécessairement ces chemins. Tu lis pas un livre, savoir c'est quoi le chemin que tu dois faire. Tu vas par ce qui est le plus facile. Moi, mais regarde eux autres, ils font. Ça te regarde pas. Ce qui est le plus facile pour toi est nécessairement le bon chemin. C'est bien simple, bien, bien, bien facile. Bon, on pourra tout compliquer ça plus tard, là, mais pour l'instant, c'est bien simple. Bon. Maintenant, ce qu'on fait. Nécessairement, en commençant par changer ce qui est le plus facile, on change déjà des mécaniques. La valise, elle va gagner le monde de la mort à un moment donné si le corps physique meurt. D'accord. Maintenant, ce qui va arriver, c'est que pour l'une des rares fois dans l'histoire de l'humanité, il y a eu quelques exceptions, la conscience lucide des individus, elle, ne gagnera pas le monde de la mort. Elle va gagner une entité moronciale, c'est-à-dire une partie de double éthérique en constitution. Le double éthérique, lorsqu'il est totalement constitué, c'est un double conforme de la conscience des individus. Et c'est ce qui, à un moment donné, rend le corps physique totalement atomisé. On parlera de corps de lumière. C'est ce qui est arrivé aux Nazaréens. C'est ce qui est arrivé à d'autres personnages aussi. Bon. Quand le Nazaréen disait aux humains, un jour vous ferez la même chose que moi, puis vous ferez même plus, allez pas dire ça à un chrétien, il vous blasphémer. Allez pas lui dire que vous y croyez. On peut répéter ces choses-là. On peut pas les appliquer. Sinon, on est automatiquement hérétique. Et ça crée un problème. La médiocratie humaine. Donc, ce qu'on doit faire, premièrement, c'est de commencer uniquement par comprendre que nous sommes séparés du mental. Par la suite, les outils d'envalise qu'on veut pas avoir, ce que vous voulez pas vivre. Bon, vous mangez toujours d'une façon croche, vous mangez trop de sucre, commencez par couper le sucre. C'est très évolutif. On s'en fout des dents, on s'en fout du système digestif. C'est utile, c'est des résultats secondaires ou tertiaires de l'évolution. L'idée n'est pas là. L'idée, c'est que l'humain commence à être son maître contrôleur. Quand je dis que l'homme doit être son seul maître, je veux dire que l'homme doit être le maître de son corps physique, le maître de son corps vital, le maître de son corps astral, donc le maître de son humeur, le maître de son plaisir de vivre. Ils ne sont pas le maître du soleil. L'être son seul maître, parce que souvent les personnes y pensent, ah oui, mais ça, tu te prends pour. L'homme doit être son seul maître, veut pas dire l'homme doit être le seul maître. Pas le maître des autres, mais... Non, l'homme doit être son seul maître. Alors, tout le monde est en beau maudit, puis toi, ben t'as pas changé ton humeur. Dans 20 ans d'ici, ils vont tous en rire. Fait que ça leur sert à quoi de chialer là? Mais si tu deviens ton seul maître, tu deviens par accident ou par incidence le maître des autres, parce que si... Automatiquement, mais pas de ta faute. Oui, c'est parce qu'eux, ils cherchent des maîtres. Mais le monde remarque dans le public, il y a quelqu'un qui va vouloir être son seul maître. Tu ne seras pas là pour l'empêcher de le faire. Tu ne seras pas là pour l'aider. Si tu l'aides, il est assujetti. Non, tu le laisses faire. Oh, vous allez pouvoir communiquer ensemble. Vous allez pouvoir être correct ensemble. Il y aura deux personnes qui seront leur seul maître. Ce sera parfait. Et comme on est assujetti de l'intelligence, si tout le monde est son seul maître, on ne sera pas la guerre. Hein? Je dis souvent, le feu est pris. Moi, je suis intelligent, je pense qu'il faut l'éteindre. Tu es intelligent, tu penses qu'il faut l'éteindre. On ne se bat pas, on l'éteint. On vit en société sans maudit problème quand on est intelligent et quand on est libre. On n'attend pas après personne. Donc, on se dit pas, ben quand les autres auront changé ça, ben quand le monde aura cessé de polluer, moi, cessé d'acheter mes papiers. Non, je suis mon seul maître. Je règle mes cossins. Puis, ça n'a rien à voir avec le reste. Donc, une chose. Alors, ce qui va arriver progressivement, si on y va petit morceau par petit morceau, c'est très important. Si je décide, par exemple, que je cesse de me coucher à minuit, je vais me coucher à 11h30, est-ce que c'est évolutif? Vous descendez en maître dans votre corps. C'est drôlement évolutif. Oui, mais c'est avec une petite demi-heure. Non, ça n'a rien à voir. Ça, c'est des résultats secondaires. L'humain est toujours en train de regarder les résultats secondaires. Si je bois de l'eau immédiatement ou je la bois dans 30 secondes, est-ce que ça va changer au niveau de mon évolution? Ben, si c'est le mental qui fait simplement... L'ego veut boire uniquement parce qu'il est nerveux, parce qu'il y a du public. Le mental l'arrête. Le mental s'installe. L'intelligence le suit. C'est ça que ça change. L'eau, on s'en fout. Hein? On suit un régime ou on ne suit pas de régime. C'est qu'une question de savoir si c'est l'intelligence qui décide qu'on suit un régime ou non. Le régime n'est pas important. Il y a une incidence tertiaire ou secondaire au niveau de la santé, tant mieux, mais ce n'est pas ça l'idée. Donc, si je commence à placer les petites choses, je commence à être mon maître contrôleur. Nécessairement, je change dans la valise que dans la valise. Et la valise, elle, progressivement, elle va finir par se déformer des formes qu'elle avait. Et, mettons qu'il y a des grosses bosses avec la tronçonneuse, ces choses-là, et progressivement, elle va prendre une forme qui va être adaptée au contenu. C'est ça que les valises font, valises astrales. Donc, progressivement, lorsque j'aurai éliminé des choses, mais une petite chose à la fois, la valise va reprendre une autre forme. Elle va rétrécir et elle va prendre une forme adaptée au contenu. Bon. La valise, c'est de l'énergie vitale. Ce qui est dedans, c'est de l'énergie astrale. Alors, à un moment donné, on parle encore une fois d'un individu qui meurt. Premièrement, ta conscience, elle va dans un double éthérique. Une entité moroncielle, c'est pas gros, c'est pas beaucoup constitué. Et l'entité moroncielle va probablement être ta valise de toute façon, qui est de l'énergie vitale. Ce qui fait que la conscience lucide, toi, tu vas te ramasser dans ce qui te va. Quand tu te réincarnes, tu vas te réincarner si tu as une petite entité moroncielle avec d'autres mémoires. Avec ta famille, encore une fois. Mais dans toute ta famille, il n'y aura que de la mémoire. Et il y aura une mémoire qui sera la valise, une mémoire qui sera dans sa forme totalement attractrice de l'entité moroncielle qui est la conscience. Toi, tu vas revenir dans un corps avec une valise qui sont déjà tes outils. Tu n'auras pas besoin en tant qu'esprit de réexpérimenter la vie pendant 50 ans sur la planète Terre pour arriver à comprendre ce qu'il a fallu que tu saches au départ. Et le reste des mémoires qui vont être là, ben, vu que tu es le seul qui a de la conscience, tu vas être capable de les gérer, de les transformer puis de les filtrer en dedans de 7, 8, 9, 10 ans. Est-ce que le fait aussi d'avoir fait le ménage ou d'avoir éliminé les éléments indésirables fait en sorte que cette valise-là va attirer d'un décès à une prochaine vie des choses qui lui ressemblent? Ben, ça fait, ça par fait que ça. Par l'onde de forme ou par qualité d'énergie? Si tu as dans ta valise, on va dire par exemple que un mélangeur de son, c'est quelque chose de bon, hein, on va dire. Il y a la forme d'un mélangeur de son dans la valise. Alors, nécessairement, quand la valise, que quand tu vas te réincarner, le corps physique, etc., il y a premièrement une entité moroncielle qui a été créée. Elle, quand elle va revenir, elle va automatiquement attirer la valise qui va avec. Et dans la valise, bien, les seules choses qui peuvent prendre leur position dans les trous, il y aura un mélangeur de son. Peut-être pas la même marque, mais avec un mélangeur de son, tu fonctionnes. Mais un mélangeur de son qui est trop vieux, avec des gros boutons, ça ne rentrera pas dedans le styrofoam de ta valise. Donc, il va rentrer quelque chose qui va aller là-dedans. Et ce qu'on doit comprendre, c'est que c'est la valise qui va attirer. Donc, on peut pas dire que c'est peut-être une boîte de céréales qui va se ramasser là. OK? On parle là d'une forme, mais c'est une forme énergétique aussi. C'est la même chose qui va là. Bon, il n'y a rien à faire. Un ordinateur, quand il cherche une donnée particulière, si la forme est précise, l'ordinateur va refuser tout ce qui n'est pas ça. Donc, ça doit ressembler dans presque l'exactitude. Autrement, avec un ego conventionnel qui est tout mélangé, il n'y en avait pas de forme. Il y en a une forme, il y a une forme de tronçonneuse, tu auras une tronçonneuse. Bon, mais sauf que ce qui arrive, c'est que les tronçonneuses te nuisent. Bon, il y a une forme pour accepter le chiolage, tu seras chioleux. Quel que soit le chiolage, tu seras chioleux. Mais si au lieu d'une forme pour le chiolage, il reste que la forme pour le plaisir, ben tu auras du plaisir. Quel que soit le plaisir, mais ton corps va réagir positivement en fonction de certaines choses. Tu vas être capable de reconnaître la valeur de certaines choses. Tu vas réagir en fonction de certaines choses, en fonction de ce que tu as recréé. Mais pour ça, on peut le créer donc de plusieurs façons. Premièrement, on fait le ménage de sa valise. Cela veut dire qu'on commence par éliminer ce que déjà on ne veut pas revivre. Et je ne parle pas de situation de vie. Ça, on va y revenir. Je ne parle pas, par exemple, ben, moi, j'ai vécu la pauvreté. Ben, comment éliminer ça, la pauvreté? Ben, faut commencer par éliminer dans la valise des mécaniques qui ont fait en sorte qu'une partie de vous était attirée par ces mécaniques-là dans un corps physique qui vivait dans un contexte pauvre. Mais on laisse faire la pauvreté. Présentement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se dire... quand on parle d'aristocratie, c'est important. L'aristocratie planétaire, de toute façon, l'homme nouveau sera, ou la femme nouvelle, même l'enfant sera aristocrate. Aristocrate, c'est la puissance qui domine. Et quand on parle d'aristocratie, évidemment, il y a toujours des façons colorées de voir les choses. On a eu des aristocrates qui étaient véreux. Mais c'est l'aristocratie quand même du passé qui a créé la planète telle qu'on la connaît aujourd'hui en fonction de la médecine. C'est les aristocrates qui ont développé la médecine, qui ont développé l'art, qui ont développé l'astronautique, les sciences, etc. Bon, il y a des exceptions dans tout. Pourquoi? Parce que l'humain ne contrôlait pas tout. Quand on parle d'aristocrate, on ne veut pas dire pouvoir qui contrôle, puissance qui contrôle. Le pouvoir, c'est de la puissance qui a été déformée par l'ego. Or, c'est une nourriture astrale. On recherche le pouvoir. La puissance, c'est uniquement une expression rayonnante qui va manipuler effectivement l'extérieur. Mais quand on parle de manipuler l'extérieur, de toute façon, l'humain est manipulable. Alors, s'il y a un chien qui passe dans une rue, il manipule tous ceux qui le regardent. Bon, s'il y a un accident d'automobile, ça manipule tous ceux qui la voient. Il y a une manipulation de toute façon. Si c'est quelque chose de beau, ça manipule de toute façon aussi. Alors, ce qu'on doit comprendre, c'est que progressivement, quand on parle d'homme, de femme nouvelle, on parle d'aristocrate, l'individu qui décide de créer, de se faire une idée de ce qu'il veut être dans l'avenir, la majorité des individus, ce qu'ils voudront déterminer par leur intelligence, ce sera nécessairement dans un cadre aristocratique. Et on peut avoir différentes visions de l'aristocratie, mais un cadre aristocratique est un cadre où le respect est dominant. où l'esthétisme est dominant. On ne parle pas d'esthétisme nécessairement physique où ce qu'on passe notre temps à s'organiser. On parle d'un esthétisme même d'action. Hein? Il y a une personne, par exemple, qui tombe sur la rue, quelqu'un d'autre passe par là, ben, il la relève. C'est esthétique. Ça va de soi, c'est intelligent. Et on ne le fait pas parce que c'est esthétique. Parce qu'on le fait parce que c'est, ça va de soi. Les morceaux qui sont dans la mémoire là, font que c'est ce qu'on va exprimer. Et ça, c'est en harmonie avec notre intelligence. Donc, l'individu doit nécessairement, à partir de maintenant, commencer à faire comme s'il l'avait et il l'aura. Donc, il doit, mais petit à petit, commencer par vivre une vie différente. Alors, on ne parle pas de positivisme ou rien de ça. Ce qu'on veut dire simplement, c'est que les parties chez vous qui déjà voyez l'écœurement de l'écœurement face à certaines choses, donc on a de l'intelligence qui nous fait voir quelque chose d'autre, sont de commencer par prendre son corps et le bouger. On doit mettre en application immédiatement au maximum cela, petit à petit. Et nécessairement, ce qui va arriver, c'est que dans votre vie, immédiatement, vous allez commencer à changer des choses. Vous allez réincarner des choses. Donc, on fait le ménage de la valise. Et ça, c'est une garantie évidente que dans la prochaine vie, on va non seulement être purgé de tout ce qu'on n'aura pas pu purger dans celle-ci, puis en plus, on va se réincarner dans un cadre où, par notre expérience actuelle, celle de l'aristocrate, par exemple, dans un cadre qui va attirer que ça. Donc, on ne sera pas dans un cadre malsain. On sera nécessairement dans un cadre qui sera intelligent. Par exemple, une personne qui fait attention à la pollution, hein, à ne pas polluer, ben elle s'attire déjà à se réincarner dans un cadre où les gens auront une philosophie anti-pollution. Ça veut dire peut-être qu'il y aura plein de pollution. Peut-être, mais vous serez au moins dans un cadre où vous n'aurez pas besoin de vous battre avec les gens pour leur dire de cesser de polluer. Ce sera un cadre de gens qui comprendront. On vit, par exemple, dans un cadre où on n'aide pas autrui par compassion, où on va simplement accomplir des choses par intelligence. Karmiquement, on n'est pas relié. Deuxièmement, on n'a pas besoin de souffrir du malheur de l'autre pour intervenir, ce qui est déjà beaucoup mieux. On fonctionne par intelligence. On va se ramasser dans un cadre, à un moment donné, où on n'aura pas, justement, besoin de montrer, par exemple, des handicapés et toutes défaites à la télévision, forcer les gens à bouger. Ce sera logique, de toute façon, qu'on doit faire quelque chose. Le résultat secondaire de préparer sa réincarnation, ça serait aussi d'avoir une vie plus convenable pour ce qui nous reste. Bien, c'est ça. C'est que là, on arrange déjà un peu sa vie pour... On va répondre aux questions pendant la deuxième partie. On pourra clarifier les petites choses. Vous avez des questions sur le sujet, sur n'importe quel sujet, vous les posez. Charles va les lire. Puis on revient là-dessus. À tantôt.